enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Scratch, yo. Who they rockin' with, yo? Who they rockin' with? Remix it. Yo, well, it's the M-A-L-I-K-G. Rock steadily, people wanna know what it's spawned. Right next to me, the weaponry, the secret recipe. Hard to beat this deep shit, shows I eat wood. Contaminated thoughts, I walk the street with. I bet you that your cassettes and chop beat with. Olympic lyricism, you can't compete with. Globe traveling, throwing your verse like a javelin. Things fall apart and MCs unraveling. Backstage whispering to management like, change the order, ain't no way that we can rock after them. My man sport the flow like what's happening. From the latest hiatus, the roots back again. The group practicing the catch my natural plan. Packages read, care when handling this old soft shit. Batteries not included with. Matter of fact, your whole front's a reenactment. I blow your body ass into fragments. P5D, the New Testament. Mike Specialist, what? Yo, it's the M-A-L-I-K-B-B. 13, the B-L-A-C-K-Tor. Or do your block, watch your tone, play the cut. What? To get shite. Personality named trite. What a heist, man should grab the ice. Brush your mental device. Thought twice, should've thought once. Got played for the dunks. Dialogue, I moderate. Cool out about the stage, just blending in the great. I need room to ventilate. Most niggas is fraudulent. The rap sergeant barging. Do your resume, calling your president. Hitting all targets. It's the cause that's lost. You not a killer, nigga. You said he rocks the soul. Dropping tens of steel. Two drops up in the bucket. Facing three highs to the cotton, yeah. If I get abducted, trapped up in the belly. Rack up my celly, getting on like Dorselli. You know the dilly on the deli. I put it up. The roots pulled from LFM. What the fuck? We press up on your corner with the windows tinted up. Lay your prop face down, baby. And give it up. And give it up. And give it up. The M-A-L, the I-K-B-B. Invisible, that enigma. Down low, scope you off the roof like the fiddler. Cage you up in the vocal booth. Now you a prisoner, watch while I'm banging out this hot shit from Sigma. Illidel PA, live, he the DJ. Hit it been that way, it's the surging of Valente. Roots crew, rip shit up, all you can say. Plus the black on MC, professional A. I can tell a story like Chinua Achebe. Jumping, fuck with your assumption when I late your function. Making a black dog production. Word up, I'm on something. You better hold all calls, I'm going blunting. Travel light and broadcast, be a satellite. Hill of Panama. Never really calculus in this arithmetic. Hip hop metropolis. But loyal fiends copping this hot shit. You know what I'm saying? Hot shit. Word up, you feeling this hot shit, yo. Cause it's the M-A-L, M-A-L, M-A-L. I can't be the B, B-B, but it's the B-L-A, C-K-4. The B-L-A-C-K-4-C-K-4. L'aventure se déconstruit au rythme des déraisons. Les saisons trépassent et la plume espace les mots au fil décousu qui s'écarte volontairement de la narration pour ne jamais paraître au générique invisible du risible. Se former au formidable comme une lune au paysage, se représenter soudainement l'été dernier, naître du grain de sable et se faire déporter par la mer sous un train de chaleur, redemander l'heure pour s'agripper au temps. Eh oui, il souffre du cancer du glaïeul. Alors ferme ta glaïeule et marche. Il s'égrène sur la périphérie, il se désarticule à l'endroit où les droits fondamentaux de la cohérence se terminent. Il éloigne en quelque sorte les colporteurs inutiles qui court-circuitent le bon fonctionnement de l'absurdité. J'ai déchiré ma feuille, madame la maîtresse, et puis je ne peux pas. C'est pour ça qu'il y a eu une sorte d'arrêt. Une arrêt sur la craque. Oui, la craque du mont. Du plongeon. De la fin de la terre, là. Le petit coin qui fait pfiou. En fait, ça fait, tu fais fou longtemps, là. Moi, j'estime, ça prend au moins 15-20 ans avant de se rendre au quand tu t'arrêtes, là, au bout de la terre. Mais là, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle, ça. Mais il y a une fin à la Terre, là. Pas une finalité, disons, temporelle. Là. Mais au niveau du kilomètre, de l'espace, là, il y a une fin de l'espace sur la Terre. Là, tout le monde va dire, ben oui, c'est au sandwich, au fromage. Non, non, c'est pas au sandwich, ni au Greenwich, ni au Zénith, ni à la pyramide de Tutankhamun, puis de Tikun, de Timé, et de tout ce qui s'enpuie. Mais c'était Québec. La fin de la Terre se trouve à Québec. Je l'ai mentionné. À chaque fois, tu le mentionnes dans d'autres émissions. Ben oui, mais ça existe depuis 200 ans, Errance Rénaldienne. Donc, on récapitule souvent. On remange, mais dans une autre forme narrative, dans une autre formulation, dans une autre fragmentation des mots. Et les juxtapositions, là, les phrases, les verbes, les décompléments, les compliments, vous êtes merveilleux, extraordinaire. Continuez vos conneries. Vous êtes le plus con des cons. Mais je disais que Brassens me l'a chanté. Hein? Quand t'es con, t'es petit con. T'es con. Sinon, tout va bien. Ma tension rénaldienne est à son paroxysme, pour ne pas dire à son irrisible parachèvement. Souvent, moi, je me sens parachevé. Ah, ça, c'est comme... vous connaissez à l'époque de la guillotine. Au temps de la marelle, de la gondole, on se foutait des dents pathétiques. C'était le temps. Des têtes qui roulaient, nostalgiques. Bon, quand tu riais, tu la voyais passer et tu demandais tout le temps, est-ce qu'elle rit de moi? Mais depuis déjà longtemps, toutes les têtes ont roulé. Vous n'êtes plus de votre temps, arrêtez de les recoller. puis de mettre des injections de bas. De les botoxer, ce sont les têtes qui roulaient pendant la guerre. La guerre de la guillotine. Guillotine. Ah, mon Madame Guillotine, enchantez-moi pas. Que je risque de la perdre. La chanson. Je vais la perdre, ma chanson. Et si je la perds, ça risque deux fois. J'ai dit troisième fois risqué. Faut arrêter. C'est de la répétition. Le sifflet risque de s'entendre pour me dire. Monsieur Galerno, non, c'est gagné. Monsieur Galerno, non, c'est gagné. Ah, d'accord, gagné Galerno, c'est j'ai quand même. J'ai un mot à vous dire. Vous êtes exclu de l'improvisation. Il fait froid dehors, hein? Là, les gens vont juger mon langage, vont dire, ah, c'est un homme, oui, effectivement, mais c'est un homme qui a pris un petit verre dans le nez, dans la bouche, dans les oreilles, partout, dans tous les trous de son, dans tous ses orifices, et fils et sœurs. Je te confesse, vous êtes des mauvaises garçonnes et des mauvaises fillettes. Oh, vous allez sous les soutanes chercher l'agrément et vous entendrez les clochettes d'argent de ses poignets. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est une autre. Excusez-moi, j'étais en transsexualité, là. Mais ça m'arrive souvent, ça. Le vendredi soir à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais on pouvait se mettre en dessous des chansons. Chante-la ta chanson. Ouais, c'est ça, ils vont me juger. Là, les gens jugent. Connais-tu Jean Juge? Regarde dans l'annulaire, Jean Juge Tremblay. Ah! Tu l'appelles? Je le savais. Ah, je te condamne à 2 essais de prison puis à 3 guillotines et demie. Fais-toi trancher au début, là, le Timia, le Tivia, le Tigia et puis le Tijésus, puis tu vas voir que, oh monsieur, tu vas te dire. Pourquoi j'ai cherché à souffrir quand la plus belle des blessures se trouve ici sur la terre? La terre glaise? Très glaise. Quand as-tu leur hein? Avez-vous déjà examiné dans l'intimité, là, pas dans la vie publique, là, quand il y a beaucoup de personnes, là, mais seul à seul avec la glaise? Elle a quelque chose à dire, la glaise, là? Pas l'anglaise. L'anglaise, rien de dire. Hello, what are you doing? C'est quoi ça, Mayandor? Trahison, Québec, ici, là. Tranquille, fais la belle. A queen. Between the tordine, a coup, exercice 360. Poule pas de tête, rien. Arrêtez, madame. Arrêtez de me faire rire, je vais me mettre à pleurer. Parce qu'on sait très bien que le rire déclenche souvent les larmes. Mais c'est pas parce que tu pleures que c'est triste. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, avant la fin de ma fin, tout soit simple. Tout soit tellement pas compliqué. Monsieur Gagné, oui, c'est moi. Rénal Gagné, oui, c'est moi. Monsieur Gagné, je vais vous raconter votre vie, mais synthétisée, d'accord? Singulier. Pardon? Singulier. Parce que là, j'avais peur que vous disiez cinglé, hein? Cinglé, singulier, quoique ça va ensemble. Lorsqu'on n'est pas normatif, on touche souvent à des cordes sensibles, des petits chatouillis, là. Les rictus là, ne proviennent d'aucune stimulation hors que l'intériorité de l'être qui cherche à se trouver, à être différent. Mais on ne cherche pas à être, nous sommes. Moi, j'ai mon. J'ai mes riantes, en tout cas, là, il m'a dit on est tous différents. Je dis, hey, monsieur, vous avez fait des grosses études pour savoir ça, là, hey, wow. Pas compliqué, là. C'est sûr qu'on est différent. Même quand tu vas au magasin, hein, magasin grande surface, et tu vois 8 télévisions, Même sorte, là. Même marque, même grandeur, même sortie de la même usine. Toutes ces télévisions-là sont uniques. Là, le simple d'esprit va dire, mais non, sont pareils. Tu regardes, t'as la même image, t'as la même... Non. Tout est unique dans la vie. Tout est unique. En superficialité, quand tu regardes rapidement, ben oui, c'est pareil, c'est pareil. Ouais, ouais, mais hey, wow, arrête-toi, là. Sur ton appareil photo, il y a focus. Fait que focus, prends un segment de ta télévision et zoom. T'en verras pas aucune comme la tienne. Tout est unique. Imagine-toi sur les choses, les articles que tu achètes, même sur les feuilles. Exemple, tu achètes 5000 feuilles lignées. Pas deux, là. 5000 feuilles lignées, les 5000 sont uniques. L'encre n'est pas à la même place. La ligne n'est pas placée au même endroit. Les taches sont différentes. Tout est unique. Quoique moi, je suis triplette et non pas de belle face. Non, de Val d'Or. Ouais, Val d'Or là-bas, là, dans le Nord. Et Richard Desjardins est en train de nous écrire une chanson, là, les triplettes de Val d'Or. Ah, oh, mon, ça risque d'être un grand succès. Il veut pas faire ça à guillotine, lui. Ah, non, il n'aime même pas à guitare. Ah, non. Il m'a dit, parce que là, il voit qu'il n'y a plus d'arbres. Hein. Tout est rasé à la motte. Quoique ça fait beau, hein, la coupe motte, mais pas au niveau des arbres. Au niveau de l'agence de l'agence d'escorte, c'est très merveilleux. Et puis donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, c'est ça. Il veut faire une chanson titre, mais au ukulélé. Très peu comment un ukulélé, là? À part un chanteur qui a repris ses chansons au ukulélé et qui s'appelle Thomas Fersen. C'est très beau. Avec mon ami. Je sais, j'en ai plusieurs amis. Ils ne savent même pas. Québécois. Le plancher des vaches. Ouais. Et puis, il y a son premier album, là. Et c'est des mains de ce gars-là. Comment il s'appelle, non? J'ai un blanc. Ah non, moi, il est blanc, là. Faudrait... J'ai un trou, des trous de première classe, des trous de seconde classe. C'est Fred Fortin. Ça m'arrive de même. Je ne sais pas pourquoi. C'est un dégât intellectuel. Alors là, c'est ça. Là, j'ai pas le. Je sais qu'il y a intensité. Et puis l'autre mot, c'est quoi? Ne font pas bon ménage. Bon. Longévité. Ah oui, longévité et intensité ne font pas bon ménage. Je sélectionne le deuxième pour le risque concentré. C'est important. Toujours important. On ne sait pas pourquoi, là, mais revenir avec la baguette, c'est important. Fido, revenir avec son os, c'est très important. Sinon, il ne mâchera pas de la soirée puis il risque de te mâchouiller le doigt. Bien, il me semble que je suis rendu à l'os... À l'os de spectacle. Non, c'est à l'os de show. À l'os de show. Aïe, l'os de show, ça fait mal. C'est à la brunante. Là, regarde-moi ça. Mais heureusement que je suis un vampire, il n'y a pas de sang. Alors, ça ne se propagera pas sur mon sofa. Moi, j'aime ça, le sofa, quand il n'y a pas de sang. Parce que quand il y en a, ben, ça tâche. Puis quand ça tâche, ben, ça me ressemble. Parce que moi aussi, je tâche. OK, ouais. Non, mais c'est presque... Moi, je mettrais de la drôlerie, là. D'un à 10, je mettrais ça moins 3. C'est pas chaud. Puis vous, Mme Thibodeau, comment ça va? Ah, moi, ma petite fille, il s'est passé des affaires il y a quelques jours. Oui, quoi? J'ai reçu une enveloppe chanceuse. Une enveloppe chanceuse? Elle était chanceuse, ça n'a pas de bon sens. Comment ça? Bien, je l'ai décachetée. Oui. J'ai regardé à l'intérieur. Oui. Il n'y avait rien. OK. C'était très chanceux. Mais s'il n'y avait rien, c'était pas chanceux. Oui, il n'y avait aucune mauvaise nouvelle, il n'y avait rien. Oh mon Dieu! Hey, vous vous contentez de belles affaires, vous, hein? Vous êtes une femme tellement extraordinaire. Là, j'ai peut-être un texte, je ne sais pas, je viens de trouver ça dans mon livre Périmain. Et cher Arnaud, ils ont volé ma chanson. Jerry Lewis. Ah non, ça, c'est des idées de musique que je devrais coller. Et puis, c'est ça. Oui, décapiter le mort, le mot. Décapiter le mot, lui retirer aussi son relief, capitonné, pour un bref instant, tenter de le transformer, le travestir, l'exclure de son sens propre, afin de l'inclure dans une métaphore des plus réconfortantes pour l'esprit et l'effervescence de la langue française. Non, mais blague à part. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu de blague depuis le début de l'émission. C'est un flop monumental. Depuis ma naissance, je n'ai pas fait quelque chose aussi horrible, radiophoniquement parlant. Heureusement, je n'ai pas fait d'enfant parce que... Eh, monsieur de monsieur... Ah, il est beau. Ah, non, moi, mon doux. Mais lui, un petit well. Pas de vis-à-vis des yeux, vis-à-vis du visage. Ah, mon, il a le visage de son père. Même un gros well. Ouais, mais en plus, ça va le préserver de la neige. Hein. C'est tellement neigeux au mois de juillet. Hey, madame, mademoiselle, messieurs, des artisans, non pas des artisans, nous sommes, oui, saviez-vous, oui, je suis, tu es, il est, saviez-vous, oui, on va vous le dire, saviez-vous que CKRL se distingue, oui, comme d'habitude, voilà pourquoi nous devons la préserver, la chouchouter et lui donner l'opportunité d'évoluer dans les meilleures conditions. En devenant membre, vous collaborerez à son expansion et à sa qualité. Pour seulement... Là, faites attention. Êtes-vous assis, Raymond? Rita? Non, sur Rita, il y a Raymond. Raymond, assieds-toi à côté parce que je suis sûr qu'il va arriver quelque chose. Une catastrophe. Vous allez tomber dans les 150 connaissances que vous ne connaissiez même pas avant. Savez-vous comment ça coûte pour être membre de CKRL? Non, rapidement, là. Vous êtes 12 ici, là. Oui, oui. Non, 150$, voyons, toi. Ça, c'est VIP, là, puis on te déroule non pas le rebord, mais on te déroule le tapis rouge. On vous envoie des confettis, on vous applaudit, on vous embrasse, tous les animateurs sont à vos pieds. On vous dit, bravo. On vous tire de l'amour, hein? On vous envoie des énergies positives. On vous extirpe tout ce qui est négatif. On vous prend et on vous soulève un peu comme au carnaval de Rio. Si tu vas à Rio... Ah oui, non, avec les caricates. Si tu vas à Rio, c'est que tu ne vas pas à Limoilou. Hein? Comment ça, c'est insignifiant? Ben, c'est le but de l'émission. On fait pas autre chose que ça. Alors, hey, ça coûte... Non, pas ça, non. 25$. Enlève l'écho. 25$. Hey, 25$ pour devenir membre de CKRL. Et qu'est-ce que ça peut faire, ça? Bien, vous contribuerez à poursuivre son mandat, celui de vous divertir et vous informer tout en vous proposant la différence. Et ça, c'est très important. On n'est pas contingenté, on n'est pas dans les moules. On se déforme, on devient des monstres radiophoniques qui viennent comme ça vous hanter le soir, le jour, la nuit, vous faire rire, vous amener de la musique des plus baroques, des plus étranges, des plus douces, des plus mélodiques, des plus classiques. Des artisans passionnés se présentent chaque jour au 405 3e Avenue afin de vous transmettre la flamme singulière qui les compose. Des animateurs et collaborateurs colorés érigent quotidiennement des fresques sonores uniquement pour vos oreilles. CKRL est une radio qui nous et vous ressemble. Continuez à lui donner les moyens de se rendre un peu plus haut, un peu plus loin, avec vous et entre nous. CKRL, j'y crois. Et vous? La question est posée, là. Là, cette nuit, là, vous risquez d'être insomniaque si vous ne répondez pas immédiatement à cette question. CKRL est-elle importante pour vous? Cette radio que vous syntonisez actuellement, sans celle-là, là, qu'est-ce qui vous amènerait à vous réveiller le matin? Là? Oh oui, il y a les matins éphémères. Oh oui. Oh, il y a la belle émission là, après de jazz. On va m'informer sur les problèmes sociaux. Ça m'intéresse, moi, les problèmes sociaux, parce que je suis un citoyen qui vit dans l'urbanité et ce que je veux connaître, c'est un peu plus de choses qui me rend aujourd'hui ignorant. Mais CKRL est là pour m'éclairer. C'est pas une veilleuse, ça, là. Il n'y a rien de préparé d'avance. On revient à ma timide émission. Très timide. À quoi m'en faire... Non, mais moi, j'aime ça, moi, la timidité. Surtout en dessous des bras, là. Je mets pas, moi, de parsemage, là, pour enlever l'humidité. Parce que c'est très rare que ça m'arrive. Même au mois de juillet, moi, c'est pas de là que je transpire, moi. Non, c'est du cheveu. Alors, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Fring Rénal de Le Néant Gagné. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques et cathodiques, mesdames les... Avec Internet, on n'est plus trop catholiques. Et ben, si on est devant l'écran cathodique, on se dit « Oh, je vois du péché ». Heureusement qu'il n'y a plus de place en haut parce que je risque d'aller de l'autre côté où il fait chaud et où tout se passe. Il y a des spectacles rock and roll à chaque demi-heure. Il y a 18 scènes dans à l'enfer. En enfer. 18 scènes. Madonna prend pas juste des débarques, là. Elle tombe pas juste en bas de la scène, là. Il y a des diablotins qui la piquent pour qu'elle tombe. Ah oui, va-t'en, toi! Elle dégonfle. Monsieur le Président, elle se défait. Tout son lifting, elle fait pit-te-pong. Tim-pitting, tim-pitton. Toutes les actrices, les chanteuses, pit-te-ping, pit-te-pong. Ça tombe, là, c'est comme de la cire d'abeille. Là, ça... Parce que les abeilles sont en enfer. Au-dessus des vedettes. Toutes qui sont, ceux qui sont botoxés, refaits à zéro. Là, ou même à 20%. Là, tu sais, là, regarde, oh mon Dieu, Nicole, qu'est-ce que c'est au-dessus des lèvres? Heureusement que les gens de radio, hein, eux autres, ils n'auront même pas des avis, peut-être quelques mots chavardes. Je peux savoir aussi, M. Grenier, vous avez tellement fait une belle émission. Ah oui, ça bourdonne de la bouche à main. Ah, mon Dieu. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 13 mars, ça tu mets de la lutte, 13 mars, toi, là? Raymond? T'as-tu une petite chanson ou si on peut passer une Popperman? 13 mars, il me semble que c'est pas de même, là. C'est pas la bonne date, ça, là. Tu me dis que oui? Je fais confiance, moi, là. 13 mars. T'as oublié de changer le calendrier. Ah, on est encore en 1984. Ouais, les voiliers sont partis. Il n'y a plus un peu... Ben, il reste 3-4 barques, là, qui ont pris la débarque comme... 13 mars 2015, les errances rénadiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Cessons cette émission d'aussi court. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, les cols. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Monsieur. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la talentueuse et séduisante Julie Bernard. Julie Bernard est une comédienne d'origine belge, formée à la Klein Academy à Bruxelles et au cours de Jacques Lecoq à Paris. Julie Bernard obtient son premier rôle au cinéma en 2010. Dans Rien à déclarer, nouvelle comédie de Danny Boone après Bienvenue chez les Ch'tis. Julie Bernard incarne dans ce film le personnage de Louise Vandervoort, proie du désir du douanier Mathias Ducatel, qui est joué par Danny Boone,

avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Pour un petit tour, au petit jour, entre tes draps. À 1h du mat, le métro ouvre à 6h du mat, Monoprix ouvre à 10h, Monoprix ferme à 20h, les enfants partent à 8h, les enfants reviennent à 16h, le repas commence à 20h, on débarrasse à 20h30, je suis borderline, t'es borderline, il est borderline, nous sommes borderline. La dame du troisième sort à 10h. La dame du troisième revient à 11h. Les acédiques ouvrent à 9h. Les acédiques ferment à 16h. Tu commences le boulot à 9h. Tu termines le boulot à 18h. Tu t'endors à 23h. Tu te réveilles à 7h du mat. T'es borderline. J'suis borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Le feu vert s'allume à minuit, le feu rouge à minuit 2, le feu vert revient à minuit 2, le feu rouge à minuit 4, la dame du troisième sort à 21h, la dame du troisième revient à 21h30, l'ascenseur descend à 21h30, remonte à 21h31, je suis borderline, t'es borderline, il est borderline, nous sommes borderline. À midi 16, un cri à 15h07, une voix d'homme à 22h, un chat à 1h, une radio à 2h20, une Mercedes à 5h du mat. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien.

Liberté. Ah, c'est bien. Si tu étais un aliment. Un animal? Un aliment. Un aliment. Une tomate. Une tomate? Oui. Ah? Okay. Pourquoi tu ris? Parce que, non, oh, je sais pas. Non, vas-y, pourquoi? Pourquoi tu dis une tomate? Non, parce que c'est une association d'idées, évidemment. Okay. Reynald Garnier. I'm just an old-fashioned girl with an old-fashioned mind. Not sophisticated, I'm the plain and simple kind. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'd like a plain, simple car, a cerise Cadillac, long enough to have a bowling alley in the back. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll stay weaving at my loom, be no trouble to my groom, if he'll keep the piles of money mounting. In our cottage there will be a soundproof nursery, not to wake the baby while I'm counting. I like the old-fashioned flowers, violets are for me, have them made in diamonds by the man at Tiffany. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'm just a pilgrim at heart, oh so pure and genteel. Catch me in Las Vegas when I'm at the spinning wheel. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll ask for such simple things when my birthday occurs, two apartment buildings that are labeled hers and hers. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. like Chopin and Bizet and the songs of yesterday, string quartets and Polynesian carols. But the music that excels is the sound of oil wells as they slurp, slurp, slurp into the barrels. My little home will be quaint as an old parasol, and instead of carpets I'll have money wall to wall. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. Jetzt! Un samedi soir à Saint-Dylan, il n'y avait pas grand chose à faire. On a dit on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon au salon des partenaires. Puis là la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté. Puis c'est beau quand ça aime à faire les choses en grand. Ça vient d'arriver du couvent. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin puis mon ami Camille, sa belle habille avec ses petits souliers vernis, le gobi, comme t'es comme un commis voyageur. Quand on danse à Saint-Dylan, c'est pas pour les embrassages, c'est horrible et ça va vite, il faut pas passer des pas. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage, aussi bien partir tout de suite, y'a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Tipol vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés, ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Mais ça s'ennuie Jean-Louis, son amour et son ami, qui est parti gagner sa vie de bord de l'île. Il est parti à bout samedi quand même, on dit mal fait ça. On danse toute la soirée, le brin de bidon blancheuse, puis le combo dans la cage, et puis nous l'avons passé le nuit. C'est Charlie Casperoni, il a perdu son amoureuse, il s'est fait mettre au placard, pas ma femme, mais plus beaucoup lui. Un dernier tour de la chaîne, les dames avant de partir, à moi serrer la main plus fort, à m'encanter, j'ai perdu le podium, ça sera pas élevé, puis Ritchie, mais j'ai Ritchie pour un petit salut, presse ton crâne, j'avais jamais viré comme ça. Meuf, là tout étourdi, mon amour et mon ami, c'est ici qui s'est mis à la tournée comme une toupie. Elle a compris, elle a dit, les mardis puis les jeudis, ça prétit ton bonheur. Quand un petit cousin dit non, on prend ça qu'on s'apprend une fille. Il a fait des civils qu'il ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que samedi en lui, qui pourrait peut-être la réinviter. Oh ta capine, puis swing la mandoline. Puis oh ton jupon, puis swing la madeleine. Swing la forme, tout en gigant. Et puis fais-y voir que t'es pas mort. smile that smiles at despair. It's the way you like to satisfy, the way you set the smile, the way you called onto my life and stayed there for a while. It's the way you like to lick your paws, the way you screw the bolts, the way you groom your friends and neighbors, the way you get at holes.

Puis je pense qu'il y a moyen de bien se séparer. Mmh. C'est pas un drame en soi de se séparer, tu vois. Je veux dire, les histoires d'amour se finissent toujours. Ouais. Moi, j'y crois pas, avoir un seul mec dans toute ma vie. Mais quelle tristesse, il y en a tellement. C'est comme les chaussures, il faut les essayer. Quel dommage de se priver comme ça. Non, blague à part. Voilà, je pense pas que ce soit grave, une fatalité, même pour des enfants, je veux dire, voilà, il y a moyen de bien faire les choses. Mais bon, je pense que, donc, il y a eu effectivement cette séparation, mais il y a eu aussi beaucoup de choses après, ouais, désagréables, voilà, et donc, après, on grandit pas tous de la même manière. C'est vrai que moi, j'ai grandi de manière très triste, quoi, très triste, j'étais une gamine. Et adolescente, c'est encore pire, quoi. Est-ce que tu te cherchais, tu voulais sortir de ce qui, non. Ce qui t'oppressait ? Après, ça a été ça, la réaction, ouais. Sur la route de Montmartre à Paris, j'ai rencontré trois filles de mon pays. Ah, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. J'ai rencontré trois filles de mon pays. J'embrassais la plus jeune et la plus belle aussi. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. L'emmenais dans ma chambrette pour parler du pays. Elle me dit, soyez sage et prête-moi ça. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Elle me dit, soyez sage et près de moi s'assit. Comme il n'y avait pas de chaise, elle s'assit sur mon lit. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Comme il n'y avait pas de chaise, elle s'assit sur mon lit. J'entouris sa chemisette et vis un joli nid. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. J'entouris sa chemisette et vis un joli nid. Puis je lui dis, regarde mon joli canari. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Puis je lui dis, regarde mon joli canari, elle caresse sa loisille et voilà que tu grandis. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Elle caresse sa loisille et voilà que tu grandis. Et puis battant des ailes, il entra dans le lit. Oh, les fraises et les framboises, les vins que nous avons bu, oh, les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Des ailes, il entra dans le nid. Il y entra si fort que le coup s'y rompit. Oh, les fraises, les framboises, les vins que nous avons bu, oh, les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Il y entra si fort que le coup s'y rompit. Pleurez, pleurez, mesdames, la mort du canari. Oh, les fraises, les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Ne pleurez plus, mesdames, la mort du canari. Car la fillette à droite le rendit à la vie. Ah, les belles framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Oh, les belles, les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, nous ne les verrons plus. Oh, les framboises, les vins que nous avons bu, et les belles villageoises, Errance Rénaldienne sur CKRL MF de 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. J'adore. cœur. Je combattante. Okay. Donc à un moment donné, quand t'arrives, tu vois, je sais pas, 14-15 ans, et te dire, tiens, tu... et te sentir tellement oppressée, empêtrée dans un truc, et moi, c'est très simple, j'avais l'impression d'avoir un espèce, tu sais, de costume en béton armé. Okay. Et donc, voilà, un costume de béton armé, c'est quelque chose qui t'empêche d'être libre, de bouger. Ouais, je pouvais même pas, tu vois, j'avais cette sensation de même pas pouvoir bouger les bras, de pas pouvoir bouger les... C'était très fort. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas vivre ça longtemps. Non, et donc, comme j'ai une nature combattante, combative, tu vois, de dire, bon, voilà. Et je pense que oui, toujours... et positive. Oui, si tu veux, je suis pas du tout de nature dépressive ou angoissée. Non, je suis quelqu'un d'optimiste, de tu craques dans la vie. Oui, complètement. J'étais une petite fille très joyeuse. Aujourd'hui que j'ai retrouvé ça, les gens me voilà, souvent on me dit que il y a plein de gens qui dans ma vie, par exemple, c'est très drôle, m'ont appelé Soleil. OK. Et donc voilà, tu sens que tu sais, en fait c'est ce truc là, c'est te dire tu sens ta nature profonde, ouais. Et tu sens cette nature qui est oppressée par quelque chose finalement qui ne t'appartient pas, qui est pas toi aussi, qui est pas toi, et quelque chose tu sais que sur le qui est venu là, et tu vois,

bien sûr de moi qu'un chien. Éliminer les flèches et les indiens. Le bluff qui s'y est au visage blême. T'aimes le blabla t'aimes. Paysage désolé qui circule dans nos veines. Oh chérie, tu charries plus d'oxygène. Et tu continues le... J'ai bravé le temps, pour rien n'a de sens. À présent, faire des enfants pour sucrer la mer. Ce seront que des traits de misère qui se tordent dans le cou vers les grands. À l'arrière, en nous regardant, car l'arrière est un passé vert et l'avant. Ooh. how she feels so sad. Cheer up, baby, baby, baby. Sit through by the ocean. Ah. Me, how she feels so sad. Join blues. Don't got the money to take me back to Trinidad. Wally, bro, baby. Fine Calypso woman. She cooked me shrimp. Don't treat me stomach very nice. No, King, don't go hot dog. But chunks, chunks, King. In Trinidad, $1 buy. Uh-huh. Papaya juice, banana pie. Yeah. 6 coconut, 1 female goat. Well, and 20 fish to fill the boat. Uh-huh. 1 bushel bread, 1 barrel of wine. Uh-huh. And all the town, she comes to dine. I see. But here is bad. She come from Trinidad, so winery in her nature. Never can tired, sets of reps until failure. Tell her if she said she need to fly here, Jamaica. Anytime she land, she not go feel like no stranger. Carry us beyond, we similar in behavior. Them no understand we customs and we flavor. Needing a teacher to be the new caretaker. Lord, these Yankee girls give me big scares. She come from Trinidad, so winery in her nature. Never can tired, sets of reps until failure. Tell her if she said she need to fly here, Jamaica. Anytime she land, she not go feel like no stranger. Carry us beyond, we similar in behavior. Them no understand we customs and we flavor. Needing a teacher to be the new caretaker, Lord. Wow, wow. Well, once again, Nat King Cole alongside Damien Jr. Wow, Gang Marley. Yes, sir. Hear the man say. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.